Sandra Wilder, directrice générale de Planche, bonjour. Bonjour. Alors, enfin, on avait envie de profiter du lancement très, très proxime du volume 8 de la revue Planche pour se faire une petite mise à jour, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux de ton côté, et notamment, en fait, je mentionnais, on te prend directement d'Europe. Il y a beaucoup de démarchages que tu fais depuis pratiquement la dernière année pour positionner le magazine du côté européen. Oui, ben en fait, j'étais partie en voyage de prospection cet hiver pour voir un petit peu les différentes avenues qu'il pouvait y avoir de ce côté-là. Et puis, donc, je m'étais fait plusieurs contacts, autant dans la distribution, l'édition, d'autres éditeurs qui font des choses similaires, puis donc tout un tas de gens dans le milieu. Puis, en fait, j'ai commencé à voir les festivals qui seraient intéressants de faire. Et donc là, en fait, j'en ai fait un premier à Lyon en juin. Et puis, puis là, en fait, j'attaque depuis septembre, j'ai commencé une tournée de festivals en Europe. Donc, deux à Bruxelles au début. Puis là, en ce moment, je suis à Chambéry, donc dans les montagnes. et la réponse est bonne. Parce que ça reste un milieu quand même assez difficile. Il y a énormément de publications, il y a énormément de joueurs dans le milieu européen. Donc, est-ce qu'on réussit? Est-ce qu'on sent qu'il y a un intérêt, à tout le moins, pour la formule que tu proposes avec Planche? Ben oui. En fait, je pense que ce produit-là en tant que tel, si on parle en tant que produit, là, il n'existe pas exactement. Il y a des choses qui... Il y a beaucoup de... plus de concurrence possible, en fait, ici, mais il n'y a pas vraiment de formule vraiment similaire. Il y a la revue dessinée, mais c'est du reportage. Il y a beaucoup de maisons d'édition qui font des revues ou des collectifs, mais ça va être moins régulier, puis c'est souvent les auteurs de leur écurie ou alors des auteurs jeunesse, pas jeunesse, mais des jeunes auteurs plutôt. Donc c'est comme toujours un peu différent comme formule. Et le fait peut-être que les assises au Québec se renforcissent peut-être au fil des mois, notamment en fait même côté distribution, là, il y a une entente qui a été faite à partir de cet automne avec la boîte à diffusion et Prologue, donc on a des assises peut-être un peu plus assises, littéralement, donc ça permet aussi d'aller chercher, d'aller démarcher vers d'autres, vers les marchés européens, justement. Oui, exactement, puis en fait, notre équipe s'est quand même pas mal étoffée aussi dernièrement. C'était une volonté depuis un moment d'avoir une équipe éditoriale plus conséquente pour répartir un peu les tâches différemment, puis pour essayer de monter en professionnalisme. Puis ça a été le cas, en fait. Donc on a maintenant un éditeur et rédacteur en chef qui a fait le numéro 8, Martin Morin, et puis qui va partager sa tâche pour le prochain avec une autre éditrice, Coralie Muller. Et on a aussi une autre directrice adjointe qui partage les tâches administratives et de marketing avec moi. J'ai une graphiste, Charlotte Nadeau, qui était notre graphiste bénévole avant, puis qui est devenue maintenant notre graphiste officielle. Donc du duo initial, le magazine la revue a pu grandir, a pu accueillir des gens, et j'imagine que ça va donner un souffle renouvelé aussi, parce que ça va te permettre de te libérer sur certaines tâches pour te concentrer sur d'autres, et que chaque personne de l'équipe soit vraiment concentrée en priorité, à tout le moins, sur leur charge à eux. Ben exactement, en fait, moi j'ai pas mal comme changé de poste depuis le début, puis maintenant je m'occupe essentiellement des demandes de subventions, parce qu'on est devenu éligible depuis janvier dernier à peu près. Donc là, j'ai commencé à faire vraiment ce travail-là, ce qui prend beaucoup de temps. Puis après, c'est le développement à long terme, essayer de voir vers quoi on tend. Dans les deux premières années, en fait, on a essayé de faire les choses petit à petit, de s'établir, etc. Puis maintenant, c'est d'essayer de voir un peu plus loin, puis de moins être dans les tâches quotidiennes, puis d'essayer de voir vers quoi on veut tendre ultimement. Donc l'entrée sur le marché européen, ça en fait partie. C'est d'élargir l'électorat, puis surtout faire connaître les auteurs québécois en dehors du Québec aussi, parce que c'est important. Puis avec, on parlait tantôt, je mentionnais distribution, boîte à diffusion, Prologue, qui sont rentrés aussi dans l'équipe, si on peut dire. Est-ce que ça vient changer quelque chose de votre côté? Est-ce que ça va rendre le magazine, la revue, encore plus facile à trouver? Ben oui, ça fait beaucoup plus de points de vente, et puis c'est surtout plus systématisé, comme c'est plus nous qui nous occupons directement de ça. C'est ça, les libraires peuvent faire leurs commandes, c'est, je pense, plus facile, ils l'ont toutes en même temps, alors que nous, c'est toujours un peu compliqué avec la poste, etc. C'est juste plus systématique, puis c'est surtout que ça nous enlève énormément d'énergie et de temps à passer là-dessus. Puis avec le numéro 8 aussi, on parle de 36 pages supplémentaires. Donc ça ajoute une nouvelle charge, ça élargit un peu encore plus le magazine. On en a plus pour notre argent. Qu'est-ce qui a amené un peu à cette décision-là? Il y a plusieurs choses. Déjà, ça faisait un moment c'est sûr qu'on voulait augmenter parce que la revue était quand même fine. Donc, plus pour que, en restant dans l'objet de qualité, non pas un papier fin, etc., comme on voit d'autres revues qui ont une autre vision, on voulait augmenter le nombre de pages puis que ça soit vraiment plus, en restant dans la qualité, quand même plus conséquent, plus épais. Puis, en fait, il y a aussi, on a fait un sondage sur qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans Planche. Puis souvent, le prix revenait comme un obstacle. Donc, on s'est dit, ce prix-là, on ne peut pas vraiment le baisser. C'est pour tout un tas de raisons, surtout économiques. Et en fait, donc, on s'est dit, bon, peut-être que si on essaie d'augmenter le nombre de pages, puis de garder le même prix, la barrière psychologique est moins difficile à passer quand c'est plus gros. On se dit, bon, ok, là, ça vaut 20 piastres, mettons. Donc on s'est dit peut-être que ça va être plus facile aussi parce qu'on avait eu une légère baisse dans les ventes aussi parce qu'on peut faire mieux. En fait, les pages de présentation, maintenant on a avant chaque récit une petite page qui présente le récit. Donc on sait un peu plus dans quel contexte l'auteur a fait cette histoire aux planches. Qu'est-ce qui lui est passé par l'esprit, etc. Qu'est-ce qu'il est en train de, sur quoi il est en train de travailler, etc. Oui, surtout Donc ça. qu'en plus, Sandra, dans la mesure où les auteurs, il y en a quelques-uns, il y a toujours des noms qu'on connaît un peu plus. On pense par exemple à Francis Desharnais ou Romain Renard dans le volume 8, mais il y a toujours d'autres qu'on découvre ou qu'on a découvert grâce à Planche. Qu'on pense à J.P. Perrault qui est très actif chez vous, qu'on pense dans le numéro 8 à des gens comme Kenan Polochtak ou Sofiane Bellil, par exemple. Ouais, c'est vrai. Moi, j'avoue que je les ai découverts en même temps parce que c'est comme c'est mon équipe éditoriale qui m'a proposé ces choses-là, j'ai découvert à ce moment-là. Puis c'est vrai que c'est agréable d'avoir à la fois de redécouvrir ce qu'on connaît puis d'en découvrir d'autres. Donc, ouais, Puis c'est chouette, je suis assez contente. justement, le fait d'avoir plus de place pour les contextualiser, pour amener, donc de permettre aux magazines d'évoluer, puis de leur offrir à la limite une vitrine toujours meilleure, au bout du compte. L'objectif, c'est d'être perfectible jusqu'au bout. Ouais, exactement. C'est ça. Puis on prend en compte beaucoup les commentaires qu'on nous fait, donc ça rentre en ligne de compte, forcément, quand on essaie d'envisager ce qu'on peut faire mieux, on écoute aussi ce que les lecteurs nous disent, les auteurs et tout ça. Donc, c'est ça. Est-ce qu'on a l'impression, Sandra Wilder, qu'il y a de plus en plus d'intérêt aussi pour les abonnements PDF, pour avoir accès aux abonnements électroniques, ou si le lecteur BD, de votre côté ou selon ta perspective, reste très attaché au format papier? C'est sûr que c'est majoritairement en papier, là, nos ventes, c'est sûr, mais on a quand même une bonne partie de ventes numériques. C'est assez. Moi, je trouve ça assez surprenant parce que c'est vrai que je suis plus papier personnellement. Mais il y a beaucoup de gens qui sont. En fait, c'est surtout les gens qui sont sur des tablettes, qui sont habitués à la tablette. Ils vont consommer, ils vont trouver ça facile d'acheter ça là-dessus. Ils le consultent quand ils veulent, c'est plus léger, je sais pas trop. Je pense que les lecteurs qui sont papier n'ont pas forcément de tablette. Ou alors des fois, je sais que je connais beaucoup de couples qui prend le double abonnement. C'est-à-dire qu'il y a un des deux qui préfère le numérique puis l'autre qui préfère le papier. Donc ils ont les deux en même temps. Et puis tout le monde est content, ils s'échangent un peu, puis ils disent ah tiens, c'est comme ça. Et en parallèle, en fait, on mentionnait tout à l'heure la nouvelle équipe éditoriale, donc entre autres nouveau rédacteur en chef Mathieu Morin. Est-ce que une fois l'embauche faite, est-ce que tu leur as donné un mandat? Est-ce que tu les as laissés un peu te surprendre? Bref, comment ça se passe un peu? Parce que jusqu'à récemment, c'était un peu toi avec Émilie Dagenais qui elle a quitté le magazine, qui était à la barre aussi du côté éditorial du magazine. Ben oui, c'est sûr que c'était un défi de savoir comment déléguer cette tâche-là, parce que c'est quand même pas rien, c'est un peu compliqué. Puis j'ai essayé de lui donner en fait le maximum d'informations sur la manière dont on a fait les choses jusqu'à présent, puis sans lui dire nécessairement comment il devait faire, mais puis en le laissant quand même libre. En fait, il a été beaucoup beaucoup libre sur ce numéro-là. J'ai essayé de voir aussi. Bah, je tiens à ce que chacun des membres de mon équipe soit à l'aise dans ce qu'il fait et puisse prendre sa place aussi. Donc, j'essaie de laisser un peu de liberté tout en essayant de garder une direction en leur disant bon bah tu prends cette direction-là et tu peux essayer de voir à l'intérieur. Il y a quand même souvent une marge en fait de manœuvre dans ce que fait tout le monde en fait. Puis la manière dont on fonctionne, c'est qu'on a une équipe où tout le monde lance des idées. Par exemple, ma stagiaire qui est la coordinatrice de production, Réa, elle fait un travail fou et puis c'est la première à. C'est pas parce qu'elle est stagiaire qu'elle peut pas proposer des idées, par exemple. Donc, on fait des grandes réunions, puis on essaie vraiment de partir dans tous les sens, d'envisager toutes les possibilités. Donc, de se donner le plus de liberté possible à proprement parler, là. Puis en même temps de créer, de poursuivre dans le fond le travail qui avait été entamé de votre côté. Puis est-ce qu'on a l'impression, parce que je disais, je pense que c'est à quelque part dans le magazine, tu disais que tu as un plan sur les dix années à venir pratiquement avec Planche? Ouais, ben en fait j'essaye de voir de me projeter un petit peu plus, mais au début c'était difficile parce qu'on n'avait pas assez de base, mais là avec l'expérience reçue, ben j'essaie de voir justement où est-ce qu'on c'est quoi notre potentiel vraiment ultime là, si je rêve haut en couleur, ben qu'est-ce qu'on pourrait atteindre, qu'est-ce qui pourrait être nos objectifs en fait, même si on n'y arrive pas nécessairement, hein, c'est pas forcément le but, mais c'est d'avoir vraiment une direction à prendre qui est très claire, puis c'est sûr que là je vise l'élargissement du marché pour faire beaucoup plus de ventes, puis pour baisser les coûts de production, faire en sorte d'avoir d'autres subventions pour comme mieux payer toute l'équipe en fait, parce que ils sont pas tous payés, puis on essaie de se rémunérer un maximum, mais c'est compliqué quand même économiquement, donc c'est toujours d'essayer d'avoir une balance financière, puis en même temps de garder notre fonds éditorial et comme originel, authentique ça, à ce qu'on voulait faire, c'est ouais. Alors, en fait, évidemment, à travers tout ça, on jette un coup d'œil aussi au numéro 8 de Planche. Chandra Vildar, merci beaucoup. Merci à toi.